qu'ils ont des terres d'habitude triste. Profite à perte et nive tout dans l'attitude et le touche. Depuis qu'ils ont décidé que la terre était à eux comme d'habitude, ils détruisent tout. Ils profitent à perte et n'y voient que du feu, tout est dans l'attitude et le discours. Attisé. L'instrumental est sombre, les humains sont cruels, a fortiori ça m'aide à aborder les thèmes habituels. On pourrait dire du bien des hommes, mais c'est trop compliqué, on préfère des lyriques sommaires et nos efforts pour s'appliquer. En phase avec le fond sonore et l'idée centrale, hypersensibilité acquise à cause des chymoses mentales. Je les accuse de tous les maux, donc noir est ma prose, elle absorbe la lumière et caresse les épines des roses. Des solutions, y en a, c'est sûr, des tas pour faire face à tant de constats et à tant de blessures. Je passe mon temps à détester la race que j'analyse, et puis ma haine s'envole dès que cette musique la neutralise. Paysage désolé. Et virulent, l'humeur maussade me suivra lentement jusqu'au mausolée. On n'arrête pas les cyclones, donc on m'arrête pas si je cosse. Si je pose encore, c'est que j'ai toujours plus de 1000 causes. Depuis qu'ils ont décidé que la terre était à eux comme d'habitude, ils détruisent tout. Ils profitent à perte et n'y voient que du feu, tout est dans l'attitude et le discours. Attisé. Noir est le simple donc, noir est le texte, sombre est le ton ample comme l'ombre d'une lune sur la croûte terrestre. Compte le temps de vie qui te reste, je suis là pour te saper le moral. Vas-tu te pendre avec ta laisse ou te sectionner l'artère fémorale. C'est idiot pour une vie de connard, donc tente d'aller plus loin. On vagabonde tous plus ou moins, on est tous sonards. On est tous plus ou moins faibles, égaux face au destin. Y'a les vers de terre, les rongeurs et les qui dévorent l'intestin. Tout doucement je glisse vers le royaume de Belzébuth. Je baiserai la mort jusqu'à ce qu'elle tue, surtout si elle est belle cette pute. Je prendrai mon temps comme l'a fait la vie avec mes sens. Un petit suicide raté à temps juste pour ressentir sa présence. Tu peux toujours pleurer pour rien, pour tes banalités de merde. Tu peux avoir peur, c'est humain, tu peux faire le mal, c'est la même. Donc noir est le sample noir, et le reste noir sont mes pensées amples comme l'ombre d'une lune sur la croûte terrestre. Depuis qu'ils ont décidé que la terre était à eux comme d'habitude, ils détruisent tout. Ils profitent à perte et n'y voient que du feu, tout est dans l'attitude et le discours. Attisé. Depuis qu'ils ont décidé que la terre était à eux comme d'habitude, ils détruisent tout. Ils profitent à perte et n'y voient que du feu, tout est dans l'attitude et le discours. Attisé. Qu'ils ont des terres d'habitude triste. Profite à perte et n'y voie tout dans l'attitude et le touche. Qu'ils ont des terres d'habitude triste. Profite à perte et n'y voie tout dans l'attitude et le touche.